الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، chers auditeurs, nous continuons l'étude de ces hadiths sur la croyance et le suivi mentionnés par le grand savant, le Cheikh Rabi' ibn Hadi Umayr al-Madkhali hafidhahullah ta'ala, dans son livre intitulé Mudhakkiratul Hadith al-Nabawi fi al-Aqidati wal-Ittiba'. Nous allons voir maintenant le 13e hadith mentionné par l'auteur et qui concerne An-Nasiha. An-Nasiha que l'on traduit parfois par le conseil sincère et que l'on pourrait également traduire par la loyauté, la fidélité, la sincérité, car c'est un mot au sens large qui comprend énormément de choses. Et les gens de science ont dit que le mot An-Nasiha, il vient d'An-Nasih. Et quand on dit que l'homme yansah thawbahu, cela signifie qu'il coud son vêtement. Donc la nasiha, elle est semblable à celui qui coud son vêtement pour le réparer. Son vêtement a été déchiré, il le recoud afin de le rénover et de réparer ce qui en est coupé. Et de la même manière, celui qui va adresser la nasiha à son frère, son objectif est de le réformer et de réparer ses manquements afin de le ramener au suivi de la voie droite et au délaissement des péchés. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité ce célèbre hadith rapporté par Tamim al-Dari, radiyallahu anhu, Abu Ruqayya, qui est un célèbre compagnon qui est décédé en l'an 40 de l'Hégire. Il rapporte donc que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ad-din un-nasiha » الدين النصيحة الدين النصيحة. Il le répéta de cette manière à trois reprises pour insister à ce sujet. Donc, la religion est la nasiha, c'est-à-dire l'islam tout entier est la nasiha. La religion est la nasiha. La religion est la nasiha. قلنا لمن. Les compagnons dirent alors envers qui? Envers qui, ô messager d'Allah, doit-on être loyal, fidèle, sincère. قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. Il dit envers Allah, envers son livre, envers son messager, envers les imams des musulmans et envers l'ensemble de la communauté. Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim et d'autres, رحمهم الله تعالى. Donc comme vous le voyez dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé une parole succincte, c'est-à-dire qu'elle comprend peu de mots, mais renferme de nombreux sens et de nombreux enseignements. Car l'islam tout entier repose sur la mise en pratique de ce hadith. Si les musulmans mettaient en pratique ce hadith comme il se doit, en mettant en pratique tout ce qu'il implique et tout ce qu'il comprend, alors ils atteindraient le bonheur et la félicité ici-bas et dans l'au-delà. Et ils vivraient également en tant que frères, s'aimant les uns les autres pour Allah subhanahu wa ta'ala, réunis, solidaires et soudés, tous sur une seule et même croyance, derrière une seule et même bannière, suivant une seule et même voie dans l'ensemble des domaines de leur religion. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit tout d'abord que la nasiha est à l'égard d'Allah. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout d'abord que tu dois avoir foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Foi en tout ce qui est venu dans le livre, dans le Coran et dans la sunna authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme nom et attribut d'Allah. Tu as foi en cela avec certitude, d'une foi véridique. Et tu affirmes cela sans renier ni altérer les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans les comparer aux attributs des créatures et sans chercher à en connaître le comment. Et la base à ce sujet est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Rien n'est semblable à lui et il est celui qui entend et celui qui voit. Ceci fait partie de la nasiha à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que l'on étudie en détail dans nos cours sur la croyance du groupe sauvé. Également, il fait partie de la nasiha envers Allah subhanahu wa ta'ala, que tu lui voues un culte exclusif, que tu l'adores lui seul en dehors de tout autre que lui, et que tu renies toute forme d'association à Allah subhanahu wa ta'ala, que tu renies le shirk majeur ou mineur, et que tu renies tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car l'adoration est un droit exclusif d'Allah. Donc il fait partie de la nasiha que tu lui voues le culte à lui seul exclusivement. Également, il fait partie de la nasiha que tu lui obéisses, que tu te soumettes à ses ordres en les accomplissant, et que tu t'écartes de ses interdits en les délaissant. Également, il fait partie de la nasiha que tu aimes lorsque tu aimes en Allah et pour Allah, et que tu détestes en Allah et pour Allah. C'est-à-dire que tu n'aimes pas une personne si ce n'est, si celle-ci s'est parée de caractéristiques qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et plus cela apparaît d'une personne, plus tu vas l'aimer en Allah subhanahu wa ta'ala. Et inversement, tu ne détestes pas une personne si ce n'est, si celle-ci commet des choses détestées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus elle commettra de choses de la sorte, plus tu la détesteras en fonction de ce qu'elle commet. Ceux qui obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont tes alliés. Et ceux qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, ne se soumettent pas à ses ordres et transgressent ses interdits, alors il incombe aux croyants de s'en écarter. Également, il fait partie de la nasiha envers Allah subhanahu wa ta'ala de reconnaître ses bienfaits sur toi et d'être reconnaissant pour cela. Et certes, les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous sont nombreux. Et parmi les bienfaits les plus immenses, le fait qu'il nous ait fait grâce en nous guidant à cette noble religion, la religion de l'islam, qui est la seule religion agréée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est un bienfait immense, mes frères et sœurs. Et pour cela, nous devons faire preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala et faire de grands efforts pour préserver ce bienfait et ne pas mettre notre religion en danger. Et le serviteur est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour tout bienfait qu'il lui a accordé, et certes ses bienfaits sont indénombrables, et c'est pour cela que l'on doit sans cesse faire de grands efforts pour manifester notre reconnaissance envers notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, tout en faisant preuve de sincérité envers lui dans l'ensemble de nos actions. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la nasiha envers le livre d'Allah. Et la nasiha envers le livre d'Allah, c'est que tu crois avec certitude, que tu aies la ferme conviction, que le Coran est la parole d'Allah, qu'il a fait descendre et qui n'a pas été créé, que le faux ne l'atteint d'aucune part, et que si les djinns et les hommes se réunissaient pour venir avec un livre semblable, même s'ils se soutenaient les uns les autres, ils ne pourraient le faire, pas même l'équivalent de 10 sourates, pas même une seule sourate. Également, il fait partie de la nasiha envers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu révères ce livre, que tu lui donnes de l'importance, que tu le récites et le suives comme il se doit, que tu t'appliques à sa récitation, que tu fasses preuve de recueillement et d'humilité lorsque tu le récites ou lorsque tu l'écoutes, que tu rejettes toutes les interprétations erronées donné au verset du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala par les gens du faux et de l'égarement. Que tu crois en tout ce qui est venu dans le livre d'Allah. Que tu se soumettes aux jugements qui y sont mentionnés. Que tu les mettes en pratique. Tout ce qui est ordonné dans le livre d'Allah, tu le mets en pratique. Tout ce qui est interdit dans le livre d'Allah, tu t'en écartes et le délaisses. Et tu as la ferme conviction que les règles et les jugements mentionnés dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les meilleures règles et les meilleurs jugements. Également, il fait partie de la nasiha envers le livre d'Allah, que tu médites sur les exhortations qu'il contient, que tu réfléchisses sur cela, afin de faire augmenter ta foi. Et tu dois prendre garde à ne pas être de ceux qui délaissent le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit en délaissant sa lecture, en délaissant sa méditation, ou pire encore, en délaissant son suivi, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Troisièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la nasiha envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci consiste à croire en son message, à avoir foi en tout ce dont il nous a informés, à obéir à tout ce qu'il a ordonné, à délaisser tout ce qu'il a interdit, à n'adorer Allah subhanahu wa ta'ala que de la manière qu'il a légiféré, à le soutenir et à le secourir de son vivant et après sa mort, à s'opposer et à prendre pour ennemi ceux qui s'opposent à lui et le prennent pour ennemi, et à prendre pour allié tous ceux qui s'allient au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Également, il fait partie de la nasiha envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de faire vivre sa sunnah, de l'apprendre, de chercher à la comprendre, de la mettre en pratique et de la diffuser parmi les gens. Également, il fait partie de la nasiha envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de rejeter toutes les fausses idées diffusées à son sujet. Tout comme il fait partie de la nasiha de méditer sur ses paroles, méditer sur sa sunnah, de prendre garde à ne pas interpréter les paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sans aucune science. Tout comme il fait partie de la nasiha envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de se parer de ses nobles comportements et des nobles caractères et des bonnes manières et des politesses qu'il a légiférées pour sa communauté. Tout comme il fait partie de la nasiha envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de l'aimer, d'aimer les gens de sa maison, d'aimer sa famille parmi les croyants, d'aimer ses épouses, d'aimer ses compagnons, et de s'écarter de toute chose innovée en religion qui ne fait pas partie de sa voie, et de prendre garde également à ne pas porter atteinte à l'un de ses compagnons, radiyallahu anhum. Quatrièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la nasiha envers les imams des musulmans. Et ceci comprend deux catégories de personnes qui sont al-umara ou al-ulama, les dirigeants et les savants. Ceux-là sont les imams des musulmans. La nasiha envers les dirigeants des musulmans, on en a déjà parlé lors du 10e hadith. Il fait partie de la nasiha envers les dirigeants de leur prêter écoute et obéissance, et ce, dans le convenable. Il fait partie de la nasiha de ne pas se révolter contre eux, de ne pas les dénigrer, de ne pas propager leurs défauts parmi les gens. Il fait partie de la nasiha de mentionner leurs actes de bien, de propager leurs qualités parmi les gens afin que les gens les aiment, d'appeler à l'écoute et à l'obéissance aux dirigeants des musulmans, et si on observe chez eux un manquement, un défaut, une chose contraire à ce qui leur incombe, alors il fait partie de la nasiha de leur adresser le conseil secrètement et non pas publiquement, car le fait de dénigrer publiquement les gouverneurs ou de les blâmer et les réprimander publiquement ne fait pas partie de la voix des gens de la sunnah. Mais ceci fait partie de la voix des gens de l'innovation qui n'ont pas été loyaux, qui n'ont pas été fidèles et qui n'ont pas fait preuve de nasiha à l'égard des dirigeants des musulmans. Également, parmi les imams des musulmans, il y a les savants. Et il fait partie de la nasiha de reconnaître leur rang, de savoir qu'ils sont les héritiers du prophète, alayhimus salatu wassalam. Ils sont ceux qui portent la science de la législation et la transmettent aux créatures, ceux qui portent la science du Coran et de la Sunna, ceux qui en comprennent l'essence et l'expliquent aux gens, ceux qui clarifient aux gens la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui expliquent à la communauté qu'est-ce qui est licite et qu'est-ce qui est illicite. Ils ont donc un rang immense, et c'est pour cela que les musulmans leur doivent respect et doivent prendre garde à ne pas les dénigrer. Ceci fait partie de la nasiha, de ne pas dénigrer les savants de la communauté et prendre garde à tous ceux qui dénigrent les savants en disant « Ceux-là sont les savants du palais, ceux-là sont les savants des gouverneurs, ceux-là sont au service de tel ou tel gouvernement ou celui-là est mal entouré, celui-là a été trompé par les gens de son entourage, celui-ci est une marionnette, on lui fait dire ce qu'il veut » ou autre parole semblable prononcée par les gens du faux et les gens des passions pour couper la communauté de ces savants. Car si la communauté est coupée de ces savants, alors elle suivra N'importe quelle personne, n'importe quel ignorant qui se mettra en avant et parlera de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc une fois qu'ils ont coupé la jeunesse musulmane des savants, alors ils peuvent propager le faux. Car lorsque le faux sera réfuté par les savants, les gens ne tiendront plus compte de ces réfutations car ils n'auront plus confiance aux savants. C'est pour cela qu'il faut prendre garde à toute personne qui dénigre les savants de l'islam. Et lorsqu'on parle des savants de l'islam, on parle des savants de la sunna, ceux qui suivent la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne parle pas des innovateurs et des gens égarés qui ont transgressé et se sont opposés à la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car même s'ils portent de la science, ceux-ci n'ont pas été loyaux envers cette science et n'ont pas été loyaux envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ni même envers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, car ils s'y sont opposés. Donc il fait partie de la nasiha de mettre en garde contre ces personnes déviantes et de ne pas se taire à leur sujet. Et ceci revient bien sûr aux gens de science et ne doit pas être fait par les ignorants qui ignorent ce qui est juste ou ce qui est faux et ce qui est conforme ou non au livre d'Allah et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et j'attire votre attention également sur un point important, qu'il ne fait pas partie de la nasiha envers les savants de les défendre lorsqu'ils se trompent ou lorsqu'ils commettent une erreur ou lorsqu'ils transgressent un interdit parmi les interdits de la religion. Car malgré leur rang éminent, ils restent des hommes parmi les hommes. Ils ne sont pas infaillibles. Ils peuvent parfois se tromper. Et s'ils se trompent, tout en ayant fait l'effort de rechercher la vérité, ils sont tout de même récompensés et ne sont pas à blâmer. Mais leur erreur, elle doit tout de même être rejetée. En aucun cas, elle ne peut être acceptée. Et de la même manière, ils peuvent parfois tomber dans une chose blâmable qui doit être réprimandée. Car si on se tait au sujet de l'erreur ou du faux pas de la personne de science, alors il se peut que ceux-ci soient pris par les gens pour religion, car ils sont leur modèle. Et c'est pour cela que les savants de l'islam, depuis les premières générations, n'ont eu de cesse de réfuter et de répliquer aux erreurs des gens de science. Et je vous invite à ce sujet à écouter une série de cours très profitable dans laquelle on a lu un livre de Al-Hafiz ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, intitulé « La différence entre al-nasiha et al-ta'yir », la différence entre le conseil et le dénigrement. C'est une série de quelques cours très profitables dans laquelle on a pu voir la réfutation de nombreuses ambiguïtés diffusées parmi les gens à ce sujet aujourd'hui. Je vous invite donc à y revenir et à l'écouter. Les enregistrements sont présents sur le site al-nasiha.com. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la nasiha était également envers l'ensemble de la communauté, c'est-à-dire tous les musulmans. Il fait partie de la nasiha de les orienter vers ce qui est profitable pour eux ici-bas et dans l'au-delà. Il fait partie de la nasiha envers eux de s'abstenir de leur nuire ou de leur causer du tort. Il fait partie de la nasiha envers eux de leur enseigner ce qu'ils ignorent dans leur religion et de les aider à la pratique de leur religion par les paroles et par les actes. Il fait partie de la nasiha envers eux de leur commander le bien et de leur interdire le mal, avec douceur et bon comportement. Il fait partie de la nasiha envers eux de couvrir leurs erreurs, de ne pas les divulguer, de ne pas propager la turpitude parmi les croyants. Il fait partie de la nasiha envers eux de combler leurs manquements, de repousser toute nuisance qui pourrait les atteindre, et de veiller à être utile à la communauté, à faire preuve de compassion envers les croyants, à respecter les plus âgés parmi eux, à être clément et miséricordieux envers les plus jeunes, et également à prendre garde à ne pas les trahir, à ne pas les tromper, à ne pas les envier ou faire preuve de jalousie à leur égard, mais tu dois plutôt aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même et détester pour ton frère ce que tu détestes pour toi-même, et ceci fait partie de la perfection de la foi. Il fait également partie de la nasiha envers les croyants de veiller à préserver leur bien, leur honneur et leur personne et veiller à ce que aucune atteinte ne soit faite à leurs droits, tout en veillant également à les encourager à se parer des nobles comportements et de tout ce que l'on a mentionné dans les points précédents. Tout ceci fait partie de la nasiha envers l'ensemble de la communauté. Donc comme vous le voyez, ce hadith est un hadith immense. On a mentionné ces points rapidement, mais sur chaque point que l'on a mentionné, il y aurait de nombreux textes parmi les textes du Coran et de la Sunna à mentionner. Donc en résumé, pour terminer avec ce hadith, on dira que l'on tire de celui-ci comme bénéfice premièrement que la nasiha est appelée religion et islam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La religion est la nasiha ». Toute la religion tout entière, l'islam tout entier, est la nasiha, comme vous l'avez compris à travers l'explication de chaque point de ce hadith. Également, on tire comme bénéfice de ce hadith que celui qui n'est pas loyal, qui ne fait pas preuve de nasiha envers Allah, envers son livre, envers son messager, envers les imams des musulmans et l'ensemble de la communauté, et qu'il est trahi, alors ceci indique que sa religion est absente ou défaillante, wa l'ayadu billah. Enfin, on tire comme bénéfice de ce hadith l'obligation d'être loyal, l'obligation d'être sincère et de faire preuve de nasiha envers l'ensemble des catégories que l'on a mentionnées, à commencer par la nasiha envers Allah, puis envers son livre, puis envers son messager, puis envers les dirigeants des musulmans et l'ensemble de la communauté, chacun en fonction de ses capacités, de ses connaissances et de son rang au sein de la société. On a donc terminé avec ce hadith et on verra lors de notre prochain cours, inshallah ta'ala, le hadith 14 qui concerne les œuvres les plus aimées d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين